28 février. Je reviens en arrière, car hier, je m'étais laissé entraîner. Pour l'enseigner à Gertrude, j'avais dû apprendre moi-même l'alphabet des aveugles. Mais bientôt, elle devint beaucoup plus habile que moi à lire cette écriture où j'avais assez de peine à me reconnaître, et que sur plus, je suivais plus volontiers avec les yeux qu'avec les mains. Du reste, je ne fus point le seul à l'instruire. Et d'abord, je fus heureux d'être secondé dans ce soin, car j'ai fort à faire sur la commune, dont les maisons sont dispersées à l'excès, de sorte que mes visites, de pauvres et de malades, m'obligent à des courses parfois assez lointaines. Jacques avait trouvé le moyen de se casser le bras en patinant, pendant les vacances de Noël, qu'il était venu passer près de nous. Car, entre-temps, il était retourné à Lausanne, où il avait fait ses premières études, et entré à la faculté de théologie. Sa fracture ne présentait aucune gravité, et Martin, que j'avais aussitôt appelé, put aisément la réduire sans l'aide d'un chirurgien. Mais les précautions qu'il fallut prendre obligèrent Jacques à garder la maison quelque temps. Il commença brusquement de s'intéresser à Gertrude, que jusqu'alors il n'avait point considérée, et s'occupa de m'aider à lui apprendre à lire. Sa collaboration ne dura que le temps de sa convalescence, 3 semaines environ, mais durant lesquelles Gertrude fit de sensibles progrès. Un zèle extraordinaire la stimulait à présent. Cette intelligence, hier encore engourdie, il semblait que dès les premiers pas, et presque avant de savoir marcher, elle se mettait à courir. Mais je crois inutile de noter ici tous les échelons premiers de cette instruction qui, sans doute, se retrouve dans l'instruction de tous les aveugles.